fini. Je dors, je dors. Je ne sais pas, je ne sais pas si pour si longtemps. Quand tu dors, quand tu dors. Je dors, la vie est finie. Je dors, je ne sais pas si on rêve. Quand on dort.